Twitch devient une référence. L'IA AlphaGo bat le champion du monde de Go. Bienvenue en 2016. C'est Tonton Camille à la programmation. Bienvenue dans la nuit des temps. He's on that exact sort of thing that we like, you know, the musicality meeting the beat, you know, from the chords and the bass lines and the rhythms, you know, it's, I mean, you probably agree, you know, yeah. he's shout to Kate Tremada. Big time, yeah. That's like Homer as well. That whole Montreal song. La nuit des temps, Radio Duo. Sa voix détachée, c'est presque du spoken word, sûrement du R&B alternatif, du rap expérimental, de la pop un chouïa abstraite. C'était Kilo Kish, Wayleaf. Et nous, eh bien on reste toujours en 2016. Table, meeting up in your bedroom. ça pompe. La nuit des temps, l'international de la danse. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. She giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. They be the or I be the, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah, yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah, wishing I ain't had no pants on me. One of the first. My first day was state trooper coming, putting me in the back seat of the car, and meeting the other black kids with six of us. And then seeing all of those parents and also KKK members having signs and throwing cans at us, spitting at us. We lived in the threat of death every day, every day. So I was just lost in this vacuum between integration and segregation and racism. That was my childhood. I was angry for years. Angry. Very angry. En 2016, Beyoncé est au sommet absolu de sa carrière. Lemonade est un carton et sa cause identité noire, féminisme, héritage, infidélité et résilience. And rub up and fill up, kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up, kiss up and rub up and fill up on you all night. Love all night. So Beyond your darkness, I'm your light. Oh. You get deep, you touch my mind. You get deep, you touch my mind. Baptize your tears and dry your eyes. Baptize your tears and dry your eyes. So many people I know that they just trying to touch you. Gets up and rub up and fill up. Gets up and rub up and fill up on you. Up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on ya. Pas la douleur, il la traverse. All night, Beyoncé. They say true love's the greatest weapon. To end the war caused by pain. Pain. But every diamond has imperfections. La nuit des temps, Radio Duo. Watching us. Jarre est né à New York de parents chiliens et en 2016, il sort ce titre, Now. No résonne comme un geste, ou la phrase de Bart LeBaye chez Melville qui dit inlassablement « J'aimerais mieux pas ». J'aimerais mieux pas. Lo que va a pasar. Cállate contra el muro. Ponte contra el muro. Anda para allá y cuenta otro. El que a ti te guste. Cuenta un cuento lindo. A ver, bebé, ¿por qué? Pues dicen que te va a volar. Y ahí había un... La nuit des temps, l'international de la danse. Ça, c'est la ritournelle du film « Dernier domicile connu » réalisé par José Giovanni. Et c'est le grand François de Roubaix qui est à la composition. Ici, le son est traité façon première vague de psychédélisme britannique. C'est un clin d'œil à la fois au Pink Floyd, mais aussi au métro Piccadilly à Londres. Beyond, The Wizards, Sleeve. Et nous nageons toujours dans l'année 2016. Bien fait de jouer Mitski en powerplay pour cette année 2016. Mitski est né au Japon, puis a très vite vécu en Turquie, en Chine, vers la Malaisie et même le Congo. Elle vit maintenant à New York et sait dire si sa musique, toute matinée de rock indépendant, est pourtant traversée par une multitude d'influences discrètes. Son corps est fait de 1000 petites étoiles éclatées, comme sa musique, brute et bosselée. Vous l'avez compris, on reste en 2016. Et voici Métronomie. Ou l'art, tout aussi discret, du post-punk. Friends, throw a party. okay, go. Let's go. Look for magic, yeah. They not gonna get it from the get-go, get-go, get-go. Don't let anybody steal your magic, yeah. But I got so much, y'all. That rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm, that rhythm. Doing life in prison, just another dummy caught up in the system. Unruly hooligan who belongs in Spartan. First getting that degree at Stanford or Harvard. And by my work ethic, the way I speak, yo, should it be mentally weak? First we in Malik, though, should it be trapped in the trap? Would you prefer that? 12th grade meeting level, but he knows how to rap. Are you amused by our struggles? The English that's broken, the weed that I'm smoking, the guns that I'm toting, the drugs that I'm selling. No need for improvement, fuck you and who you think I should be. Forward movement. Melanated, shrouded in complexity. Brain charge shocking like electricity. Mouth translate happens organically. The media relates to what it thinks it sees. Judging steps and shoes of a path they never walk. Shot down in the blaze of a phrase is how they talk. Dark skin walk of a bot betrayed villain. I'm chilling, feeling down in the DNA crime villain. Sublimate the youth, hypersexualizing women. They ain't got the strong enough hold, so they built a prison. Pumping false religions to all of these niggas' systems. Every voice devoid of the truth. Come on, listen. Whatever will be, like a billionaire investing in a nigga's dream. What? Certainly a head scratcher like Pac and Big Skillers capture. Or a woman with the wisdom who's leading the way. What? The rarity is in the rear, but never today. Yep. Man, picture a PE letting good records play. What? On the strength of what it is, not the finesse of your biz. And your lady calls you dirty, her dirt's under rugs. What? You'll find out only if she tells you take her kiss and hug. Cause and the answer for cancer in a prodigious kid's mind. What? Yes, the government will fund learning is free for everyone. And from that lie, young leaders will rise in the eyes. What? Of despair and adversity. In some universes, this will be true. Everybody running when they see the storms coming, but yeah. Whatever's gonna be will be. Sing, yeah. Everybody running yeah. when they see the storms coming, yeah. but whatever's gonna be will Woo. Be. Some will dash to the mountain, some will crawl, and the weakest amongst them they will fall. But the strongest in faith they will stand up. Everybody running when they see the storms coming. As lions in Liberia, cause recently my heart turned cold to Siberia. Cause everywhere I go, being cold is the criteria. Let's see how well you know all your tribe trivia. Green and the white, we serving at Nigeria. North side of Queens, 192 is the area. This is for my dogs, some shih tzus, the terriers. Fuck it, it's showtime, tip, make sure they hear. Gamin, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Black Peter Pan. En 2016, c'était aussi son année. En 2016, Donald Glover emprunte à Prince. Mais attention au début de Prince, celui de la fin des années 70, lorsqu'il entraîne le disco vers les moiteurs les plus inattendus. Voici le fantastique Childish Gambino et ses Redbone. I'm wishing il est latent. La trahison imminente. Il faut savoir rester debout dans un contexte hostile. Stay woke. La menace est douce. Et nous on termine avec Childish Gambino. Comme quoi, on peut terminer et traverser une année qui bascule vers des mondes pas vraiment joujo. Et accompagner cette bascule avec une bande-son plutôt exceptionnelle. C'était l'année 2016, avec comme invité sur notre dance floor, Keith Ranada, comme une onde heureuse pour se préserver des néo-réacs qui pointaient déjà le bout du nez un peu partout dans le monde. Ou encore Kilo Kish avec son R&B alternatif. Et pour traverser cette année 2016, nous nous sommes également dandinés avec Mitski et son Love Feeling. Elle était d'ailleurs en powerplay plus que maritée pour cette folle année. Moura Amasa a rencontré ASAP Rocky qui vient justement de sortir un nouvel album. Car oui, l'histoire et la musique continuent indéfectiblement. À tout jamais, inlassablement. et nous avons dansé sur les volcans de Solange, produite par Blue d'Orange, puis sa sœur Beyoncé à la bataille. Et après un enchaînement comme seul sait le faire si bien Tonton Camille, il y a eu Dave Hines, justement, c'est-à-dire Blue d'Orange. Et Blue d'Orange, c'est vraiment l'une des merveilles de ces dernières années qu'on aime tant, dans la nuit des temps. Et lui aussi nous donne du jus avec son sublime nouvel album sorti au second semestre 2025, ce Blue d'Orange. Après, il y a eu Beyond the Wizard's Sleeve, qui n'était pas en reste en 2016 avec son élégant pillage de François de Roubaix. Ou encore A Tribe Called Quest, ce monument du rap, ça c'est pour Axel. Et on a terminé avec la mise en garde de Childish Gambino. Stay woke. Stay woke. Restez éveillés. Comme Tonton Camille qui a composé et mixé si élégamment cette faille spatio-temporelle. C'était la nuit des temps. On referme les portes de notre bon vieux club. On prend l'air frais. On prend l'air frais des montagnes autour de Saint-Étienne. Et on regarde les étoiles briller dans le ciel. On respire un grand coup. Il est 22h07 sur Dio. Buena notte. Salut. La nuit des temps, Radio Dio. I can go far.